One, two, three, five! Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. Cette semaine, un spécial 1968. Tout d'abord, les Rolling Stones avec Jumping Jack Flash qui fête le grand retour du groupe anglais après leur errement psychédélique. Voici du bon rock and roll, Jumping Jack Flash. Maintenant un peu de douceur dans cette année très agitée 1968 avec Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Aretha Franklin. My hand now.

must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Terminer ce rapide survol de l'année 1968 avec un morceau que j'adore, qui m'a toujours fait planer. C'est vrai qu'à l'époque, je fumais un petit peu. C'est Eric Burdon and the Animals, un morceau pas très connu, j'ai l'impression, mais qui m'a marqué à tout jamais. Sky Pilot Part 1, car c'était un simple, un 45 tours de titre, mais le morceau était tellement long que Face A, c'était Part 1, et Face 2, Part 2. Eric Burdon and the Animals, Sky Pilot. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Sky Pilot,